On s'appelle une fois semaine est une présentation de l'Académie d'humour Mathieu Plante. Si c'est drôle, ça ne vient pas de l'Académie Mathieu Plante.